chacun de son côté. Je te ressemble, tu me ressembles, nous resterons toujours ensemble. Cela me semble l'unique vérité. Oh la vie, la vie, la vie, la vie. Si belle soit la vie, si tu ne tombes là, mais la vie, la vie, la vie, la vie. Si moche soit la vie, c'est un joli combat. Oh la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie.